Chapitre 15e. Monsieur de Launay, gouverneur de la Bastille. Comme l'avait dit Monsieur de Flessel, il y avait 8 milliers de poudre dans les caves de l'hôtel de ville. Marat et Billot entrèrent dans la première cave avec une lanterne qu'ils suspendirent au plafond. Pitou monta la garde à la porte. La poudre était dans des barils contenant 20 livres à peu près chacun. On établit les hommes sur l'escalier, ces hommes firent la chaîne, et l'on commença le transport des barils. Il y eut d'abord un moment de confusion. On ne savait pas s'il y aurait de la poudre pour tout le monde et chacun se précipitait pour en prendre sa part. Mais les chefs nommés par Billot parvinrent à se faire écouter et la distribution se fit avec une espèce d'ordre. Chaque citoyen reçut une demi-livre de poudre, 30 ou 40 coups à tirer à peu près. Mais quand chacun eut la poudre, on s'aperçut que les fusils manquaient. À peine 500 hommes étaient-ils armés. Pendant que la distribution continuait, une partie de cette population furieuse qui demandait des armes monta dans la chambre où les électeurs tenaient leur séance. Ils étaient en train d'organiser cette garde nationale dont l'huissier avait dit un mot à Billot. On venait de décréter que cette milice serait de 48 000 hommes. Cette milice n'existait encore que dans le décret et déjà l'on disputait pour en nommer le général. Ce fut au milieu de ces discussions que le peuple envahit l'hôtel de ville. Il s'était organisé tout seul. Il demandait à marcher. Il ne lui manquait que des armes. En ce moment, on entendit le bruit d'une voiture qui rentrait. C'était le prévôt des marchands, que l'on n'avait pas voulu laisser passer, quoiqu'il montrait l'ordre du roi qui le mandait à Versailles et que l'on ramenait de force à l'hôtel de ville. « Des armes ! Des armes ! » criait-on de toutes parts quand on l'aperçut. « Des armes, dit-il, je n'en ai pas, mais il doit y en avoir à l'arsenal. À l'arsenal ! À l'arsenal ! » cria la foule. Et 5 ou 6 000 hommes se ruèrent sur le quai de la grève. L'arsenal était vide. Ils revinrent vociférant à l'hôtel de ville. Le prévôt n'avait point d'armes, ou plutôt ne voulait pas en donner. Pressé par le peuple, il eut l'idée de les envoyer aux Chartreux. Les Chartreux ouvrirent leurs portes, enfouillèrent partout, on ne trouva pas un pistolet de poche. Pendant ce temps, Flessel, apprenant que Billot et Marat étaient encore dans les caves de l'hôtel de ville et faisaient leur distribution de poudre, Flessel proposa d'envoyer une députation d'électeurs à Delaunay pour lui proposer de faire disparaître ses canons. Ce qui, la veille, avait le plus cruellement fait hurler la foule, c'était ces canons qui allongeaient leur cou à travers les créneaux. Flessel espérait qu'en les faisant disparaître, le peuple se contenterait de cette concession et se retirerait satisfait. La députation venait de partir quand le peuple revint furieux. Au cri qu'il poussait, Billot et Marat montèrent jusque dans la cour. Flessel, d'un balcon inférieur, essayait de calmer le peuple. Il proposait un décret qui autorisait les districts à faire forger 50 000 piques. Le peuple était prêt d'accepter. Décidément, cet homme trahit, dit Marat, puis se retournant vers Billot. « Allez faire la Bastille, ce que vous avez à y faire, » dit-il. « Dans une heure, je vous y enverrai 20 000 hommes avec chacun un fusil. » Billot avait du premier coup pris grande confiance dans cet homme, dont le nom était si populaire qu'il était arrivé jusqu'à lui. Il ne lui demanda pas même comment il comptait se les procurer. Un abbé se trouvait là, partageant l'enthousiasme général, criant, comme tout le monde, « À la Bastille !» Billot n'aimait pas les abbés, mais celui-ci lui plut. Il le chargea de continuer la distribution. Le brave abbé accepta. Alors Marat monta sur une borne. Il se faisait un tumulte effroyable. « Silence ! » dit-il. « Je suis Marat et je veux parler. » Chacun se tut comme par magie et tous les yeux se tournèrent vers l'orateur. « Vous voulez des armes ? » dit-il. « Oui, oui !» répondirent des milliers de voix. « Pour prendre la Bastille ?» « Oui, oui, oui. Eh bien, venez avec moi, et vous en aurez. Où cela ? Aux Invalides. Il y a 25 000 fusils. Aux Invalides. Aux Invalides. Aux Invalides. Aux Invalides !» crièrent toutes les voix. « Maintenant, dit Marat Billot, qui venait d'appeler Pitou, vous allez à la Bastille. Oui, attendez. Il se peut qu'avant l'arrivée de mes hommes, vous ayez besoin d'aide. » « En effet, dit Billot, c'est possible. » Marat déchira une feuille dans un petit carnet, écrivit 5 mots crayon de la part de Marat, puis il traça un signe sur le papier. « Eh bien, demanda Billot, que voulez-vous que je fasse de ce billet, puisqu'il n'y a ni le nom ni l'adresse de celui auquel je dois le remettre ?»« Quant à l'adresse, celui à qui je vous recommande n'en a pas. Quant à son nom, il est bien connu. Demandez au premier ouvrier que vous rencontrerez, Gonchon, le Mirabeau du peuple. »« Gonchon, tu te rappelleras ce nom-là, Pitou ?»« Gonchon ou Gonconius, dit Pitou, je me le rappellerai. » « Aux invalides ! Aux invalides !» hurlaient les voix avec une férocité croissante. « Allons, va !» dit Marabiot, « et que le génie de la liberté marche devant toi !»« Aux invalides !» cria à son tour Marat. Il descendit le quai de Grève, suivi de plus de 20 000 hommes. Billot, de son côté, en entraîna 500 ou 600 à sa suite. C'étaient ceux qui étaient armés. Au moment où l'un allait descendre le cours de la rivière, où l'autre allait remonter vers le boulevard, le prévôt des marchands se mit à une fenêtre. « Mes amis, dit-il, pourquoi donc vois-je à vos chapeaux la cocarde verte ?» C'était la feuille de tilleul de Camille Desmoulins, que beaucoup avaient arborée en la voyant arborée aux autres, même sans savoir ce qu'il faisait. « Espérance, espérance !» crièrent quelques voix. « Oui, mais la couleur de l'espérance est en même temps celle du comte d'Artois. Voulez-vous avoir l'air de porter la livrée d'un prince ?»« Non, non !» crièrent en chœur toutes les voix. Et celle de Billot par-dessus toutes. « Eh bien, alors changez cette cocarde. Et si vous voulez porter une livrée, que ce soit au moins celle de la ville de Paris, notre mère à tous, bleu et rouge, ami, bleu et rouge. »« Oui, oui !» crièrent toutes les voix. « Oui, bleu et rouge !» Nota bene. Plus tard, M. de Lafayette fit de son côté l'observation que le bleu et le rouge étaient aussi la couleur de la maison d'Orléans, et y ajouta la couleur blanche en disant à ceux qui la recevaient de lui « Je vous donne une cocarde qui fera le tour du monde. » À ces mots, chacun foule aux pieds sa cocarde verte. Chacun demande des rubans. Comme par enchantement, alors les fenêtres s'ouvrent et les rubans rouges et bleus pleuvent à flots. Mais ce qui tombe de rubans suffit à peine à 1000 personnes. Aussitôt, les tabliers, les robes de soie, les écharpes, les rideaux sont déchirés, lacérés, mis en lambeaux. Leurs fragments se façonnent en nœuds, en rosettes, en écharpes. Chacun prend sa part. Après quoi, la petite armée de Billot se remit en route. En route, elle se recruta. Toutes les artères du faubourg Saint-Antoine lui envoyèrent, chemin faisant, ce qu'elles avaient de plus chaud et de plus vif en sang populaire. On parvint en assez bon ordre à la hauteur de la rue Lesdiguières, où déjà une masse de curieux, les uns timides, les autres calmes, les autres insolents, regardaient les tours de la Bastille dévorées par un ardent soleil. L'arrivée des tambours populaires par le faubourg Saint-Antoine, l'arrivée d'une centaine de gardes françaises par le boulevard, l'arrivée de Billot et de sa troupe, qui pouvait se composer de 1 000 à 1 200 hommes, changèrent à l'instant même le caractère et l'aspect de la foule. Les timides s'enhardirent, les calmes s'exaltèrent, les insolents commencèrent à menacer. « À bas les canons ! À bas les canons !» criaient 20 000 voix, en menaçant du poing les grosses pièces qui allongeaient leurs coups de cuivre à travers les embrasures des plateformes. Juste en ce moment, comme si le gouverneur de la forteresse obéissait aux injonctions de la foule, les artilleurs s'approchèrent des pièces et les canons reculèrent jusqu'à ce qu'ils fussent disparus tout à fait. La foule battit des mains. Elle était donc une puissance puisque l'on cédait à ses menaces. Cependant, les sentinelles continuaient à se promener sur les plateformes. Un invalide croisait un Suisse. Après avoir crié « À bas les canons !», on cria « À bas les Suisses !» C'était la continuation du cri de la veille « À bas les Allemands !» Mais les Suisses n'en continuèrent pas moins de croiser les invalides. Un de ceux qui criait « À bas les Suisses !» s'impatienta. Il avait un fusil à la main, il dirigea le canon de son arme vers la sentinelle et fit feu. La balle alla mordre dans la muraille grise de la Bastille, un pied au-dessous du couronnement de la tour, juste en face de l'endroit où passait la sentinelle. La morsure apparut comme un point blanc, mais la sentinelle ne s'arrêta même pas, ne détourna même pas la tête. Une grande rumeur se fit autour de cet homme, qui venait de donner le signal d'une attaque inouïe, insensée. Il y avait plus d'effroi encore que de rage dans cette rumeur. Beaucoup ne comprenaient point que ce ne fût pas un crime punissable de mort que de tirer un coup de fusil sur la Bastille. Billot regardait cette masse verdâtre, pareille à ces monstres fabuleux, que l'Antiquité nous montre couverts d'écailles. Il comptait les embrasures où les canons pouvaient d'un moment à l'autre reprendre leur place. Il comptait les fusils de rempart ouvrant leur œil sinistre pour regarder à travers les meurtrières. Et Bio secoua la tête en se rappelant les paroles de Flessel. « Nous n'y arriverons jamais, » murmura-t-il. « Et pourquoi n'y arriverons-nous jamais ?» dit une voix auprès de lui. Bio se retourna et vit un homme à mine farouche, vêtu de haillons et faisant étinceler ses yeux comme deux étoiles. « Parce qu'il me paraît impossible de prendre une pareille masse par la force. » « La prise de la Bastille, dit l'homme, n'est point un fait de guerre, c'est un acte de foi. Crois, et tu réussiras. »« Patience, » dit Bio, en cherchant son laissez-passer dans sa poche. « Patience. » L'homme se trompa son intention. « Patience, » lui dit-il. « Oui, je comprends, tu es gras, toi, tu as l'air d'un fermier. »« Et j'en suis un, en effet, » dit Bio. « Alors je comprends que tu dises patience. Tu as toujours été bien nourri. » Mais regarde un peu derrière toi tous ces spectres qui nous environnent. Vois leurs veines arides, compte leurs os à travers les trous de leurs habits et demande-leur à eux s'ils comprennent le mot patience. En voilà un qui parle très bien, dit Pitou, mais il me fait peur. Il ne me fait pas peur à moi, dit Bio, et se retournant vers l'homme. Oui, patience, dit-il, mais un quart d'heure encore, voilà tout. Ah ah, fit l'homme en souriant, un quart d'heure. En effet, ce n'est pas trop. « Et que feras-tu d'ici un quart d'heure ?»« D'ici un quart d'heure, j'aurai visité la Bastille. Je saurai le chiffre de sa garnison. Je saurai les intentions de son gouverneur. Je saurai enfin par où l'on y entre. »« Oui, si tu sais par où l'on en sort, eh bien, si je n'en sors pas, un homme viendra m'en faire sortir. Et quel est cet homme ? Gonchon, le Mirabeau du peuple. » L'homme tressaillit, ses yeux lancèrent deux flammes. « Le connais-tu ? » demanda-t-il. « Non. » »« Eh bien alors ?» Eh bien, je vais le connaître, car on m'a dit que la première personne à laquelle je m'adresserai sur la place de la Bastille me conduirait à lui. Tu es sur la place de la Bastille, conduis-moi à lui. Que lui veux-tu ? Remettre ce papier. De qui est-il ? De Marat, le médecin. De Marat ? Tu connais Marat ? S'écria l'homme. Je le quitte. Où cela ? À l'hôtel de ville. Que fait-il ? Il est allé armer 20 000 hommes aux Invalides. En ce cas, donne-moi ce papier. Je suis Gonchon. Bio recula d'un pas. Tu es Gonchon ? Demanda-t-il. « Ami, dit l'homme à haillons, en voilà qui ne me connaît pas et qui demande si c'est bien vrai que je suis Gonchon. » La foule éclata de rire. Il semblait à tous ces hommes qu'il était impossible que l'on ne connût pas son orateur favori. « Vive Gonchon !» crièrent 2 ou 3 000 voix. « Tenez, » dit Bio en lui présentant le papier. « Ami, » dit Gonchon après avoir lu, et il frappa sur l'épaule de Bio, « c'est un frère. Marat me le recommande. On peut donc compter sur lui. » « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Bio. »« Et moi, dit Gonchon, je m'appelle H. »« À nous deux, j'espère que nous allons faire quelque chose. » La foule sourit au sanglant jeu de mots. « Oui, oui, nous allons faire quelque chose, » dit-elle. « Eh bien, qu'allons-nous faire ?» demandèrent quelques voix. « Eh, pardieu, dit Gonchon, nous allons prendre la Bastille. »« À la bonne heure, » dit Bio. « Voilà qui s'appelle parler. »« Écoute, brave Gonchon, de combien d'hommes disposes-tu » De 30 000 hommes, à peu près. 30 000 hommes dont tu disposes, 20 000 qui vont nous arriver des Invalides et 10 000 qui sont déjà ici, c'est plus qu'il ne nous en faut pour réussir, ou nous ne réussirons jamais. Nous réussirons, dit Gonchon. Je le crois. Eh bien, réunis tes 30 000 hommes. Moi, j'entre chez le gouverneur, je le somme de se rendre. S'il se rend, tant mieux, nous épargnons du sang. S'il ne se rend pas, eh bien, le sang versé retombera sur lui. Et par le temps qui court, le sang versé pour une cause injuste porte malheur. Demandez aux Allemands. Combien de temps resteras-tu avec le gouverneur ? Le plus longtemps que je pourrai, jusqu'à ce que la Bastille soit investie tout à fait. Si c'est possible, quand je sortirai, l'attaque commencera. C'est dit. Tu ne te défies pas de moi ? Demanda Bio à Gonchon en lui tendant la main. Moi ? Répondit Gonchon avec un sourire de dédain. Et en serrant cette main que lui présentait le robuste fermier avec une vigueur que l'on ne se fût point attendu à trouver dans ce corps hâve et décharné. « Moi, me défier de toi ? Et pourquoi ? Quand je voudrais, sur un mot, sur un signe, je te ferais piler comme verre. Fusses-tu à l'abri de ces tours, qui demain n'existeront plus ? Fusses-tu protégé par ces soldats, qui ce soir seront à nous ou auront cessé de vivre ? Va donc, et compte sur Gonchon comme il compte sur Bio. » Bio fut convaincu et marcha vers l'entrée de la Bastille, tandis que son interlocuteur s'enfonçait dans le faubourg au cri mille fois répété de « Vive Gonchon ! Vive le Mirabeau du peuple !»« Je ne sais comment est le Mirabeau des nobles, » dit Pitou au père Bio, « mais je trouve le nôtre bien laid. »«